La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! C'est à moi. Je suis Marraine, la bonne fée. Bon con, bonne conne. Chers amis auditeuristes, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Alors ça, c'est un peu comme la journée de la femme. Pourquoi une seule journée mondiale ? Je vous laisse réfléchir à cette question. En tout cas, moi, j'ai en tête une liste de 3 films qui ne font pas forcément de l'autisme un thème central, mais qui comportent au moins un personnage atteint de troubles autistiques. En numéro 1, je pense au récent Hors Normes d'Olivier Nakache et Éric Toledano. L'histoire, Vincent Cassel et Reda Kateb incarnent 2 éducateurs spécialisés travaillant dans une asso en manque de moyens, dont le rôle est d'insérer les personnes autistes dans la société en les encadrant et en les recueillant. Alors, le film peut être discutable. Il n'a par exemple pas plu au collectif pour la liberté d'expression des autistes qui a trouvé que le film instrumentalisait les autistes en les reléguant à des rôles secondaires et n'en ressortait alors que le travail gratifiant des éducateurs. C'est pas faux. De mon point de vue, il y a quand même un personnage qui crève l'écran, celui de Joseph, campé par Benjamin Lecieux, autiste Asperger et maintenant véritable acteur. Ce film aura au moins permis de le révéler et de faire réfléchir sur le manque de moyens en France concernant l'insertion des personnes autistes. Je vous laisse avec la bande-annonce qu'on connaît par cœur. En tout cas, on l'a beaucoup entendu cet été. Et si on te demande comment tu es venu ? En métro. En passant par quelle station ? Saint-Lazare. Et ensuite ? Porte de Champéret. Yes ! Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. CAJM ! Centre de jour médicalisé ! Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A ! Désolé ! Si, je t'ai vu. Le diagnostic, c'est quoi ? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demandera le placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça ? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui ce couple-là ? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est ? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Vous ne voulez pas être en atelier, vous avez une fois. Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants ? Tu prends trop de boum, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droites toute la journée ? L'alternative, tu la connais ? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule ? Oui, allez, une fée. Allez, viens. En numéro 2, je repense à un film que j'avais totalement oublié, que j'ai vu en 2011 et que j'avais trouvé magnifique, Extrêmement fort et incroyablement près, de Stephen Daldry. Le film raconte l'histoire d'Oscar, 11 ans, qui perd son père dans les attentats du 11 septembre. Dans les affaires de ce dernier, Oscar retrouve une clé. Commence alors une longue énigme pour le jeune garçon qui s'est mis en tête de retrouver la serrure que cette clé ouvrira et qui sillonnera la ville sur les traces de son père. Alors je prends là beaucoup de pincettes, mais il semblerait que la personnalité d'Oscar se retrouve quelque part sur le spectre de l'autisme. Il présente en tout cas des signes qui y ressemblent et une capacité d'analyse assez impressionnante. Un personnage très attachant que l'on suit les yeux fermés au rythme d'une musique composée par Alexandre Desplat. Last but not least, le film d'animation Marie et Max, réalisé par Adam Elliott en 2009. Un film australien conçu en pâte à modeler qui raconte l'histoire de Marie, une jeune fille de 8 ans qui espère se faire un ami en choisissant une personne au hasard dans l'annuaire. Elle commence donc une relation épistolaire avec Max, 44 ans, juif solitaire, obèse et atteint du syndrome d'Asperger. De ces échanges de lettres va naître une amitié hors du commun, un film qui marque les esprits à la fois pour ses grandes qualités esthétiques. Outre les techniques d'animation remarquables, il y a aussi une belle utilisation du noir et blanc et de la couleur, mais aussi de très grandes qualités narratives, un montage alterné et un humour bien dosé, une bonne tranche d'émotion, bref, voyez-le. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Trouvez-moi un film dont le titre est composé de deux prénoms, comme Marie et Max. Du coup, vous n'avez pas le droit de dire Marie et Max. Par exemple, Jean et Jean, même si ce film n'existe pas. Enfin, pas encore. Voilà, je vous donne rendez-vous un autre jour, je sais pas quand, pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez aux autistes confinés, pensez à tous les confinés. Pas de pensée aux confinis, aux bons cons, oui. Et puis restez branchés sur Radio Bon Con, la radio des bons cons. Oh yeah! La chronique cinéma. Tu deviens complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestil. Waouh! Je la veux encore! Ça ne doit plus arriver! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver! Franchement!